Le risque d'avoir un accident est plus probable près de chez soi. Réponse A. Sur le lieu de vacances. Réponse B. Sur un trajet connu. Réponse C. Sur un trajet inconnu. Réponse D.